exposés régulièrement à la parole de Dieu dans nos lectures, dans la prédication, dans nos échanges les uns avec les autres. Et malheureusement, la parole ne fait pas toujours l'effet escompté, ce qu'elle devrait produire dans notre vie. Et quels sont ces obstacles? Qu'est-ce qui empêche la parole, justement, d'être efficace? On en a regardé un premier obstacle la semaine passée, c'est notre manque d'intelligence spirituelle, vraiment. Alors, si vous n'étiez pas là, vous pouvez aller vérifier, le message est sur le net. Mais il y a un autre point qui est mentionné dans le texte et on va regarder cela ce matin. Donc, quelquefois, et c'est le thème, on est lent à croire ce que dit la parole de Dieu. On est lent à croire ce que dit la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 24, c'est le même texte que la semaine passée, Jésus marche avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs sans qu'ils le reconnaissent. Puis à un moment donné, quand Jésus prend la parole après avoir entendu ce qu'il disait, il dit au verset 25, « Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, on a insisté là-dessus la semaine passée, mais on continue, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors, les disciples voyagent après la mort de Jésus. Jésus est ressuscité, mais ils ne sont pas conscients. Jésus leur apparaît, ils ne le reconnaissent pas, mais eux, ils sont vraiment confus, désillusionnés, parce qu'ils s'attendaient que Jésus soit le Sauveur, le Messie, mais il est mort, ils disent, ça fait 3 jours. Alors, ils sont vraiment tristes. Et tout à coup, Jésus se tourne vers eux et leur dit, « Ô homme, dont le cœur est lent à croire. » Lent à croire. Il y a toutes sortes de maladies de cœur dans un domaine médical, mais au niveau biblique, il y a des maladies de cœur aussi, hein? Le cœur de l'homme. Et une de ces maladies, c'est que le cœur est lent. Il ne bat pas vite. Il est lent à croire. Il n'est pas vite. Vous connaissez des gens, on dit des fois, il n'est pas vite. Hein? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Hein? Ça veut dire des fois, il ne comprend pas vite, il faut expliquer longtemps. Ou des fois, il n'est pas vite, ça lui prend du temps à se décider. Ou il n'est pas vite dans ses actions. On dit en québécois, il a les deux pieds dans la même bottine. Excusez mes frères, sœurs africains, africaines. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression « pas vite » ou « les deux pieds dans la même bottine ». Mais comme croyant, il y a des choses qu'on doit être lent. On doit être lent à parler, Jacques nous dit. On doit être lent à se mettre en colère. Mais il y a des choses qu'on devrait être plus vite. De croire la parole de Dieu. Mais parce qu'on est lent, bien des fois, comme ses disciples ici, bien, ça fait en sorte que la parole qui aurait dû les consoler, qui aurait dû leur donner l'explication qu'ils avaient besoin, qu'est-ce qui se produisait, qu'est-ce que Dieu était en train de faire, ils ne comprenaient pas parce qu'ils étaient lents à croire. Et donc, on vit souvent la même chose. Lents à croire. Avez-vous, soyons honnêtes, examinons-nous un petit peu, est-ce qu'on est des gens de foi? Est-ce qu'on est des gens de foi? Jésus, à plusieurs reprises, c'est intéressant, il a employé l'expression « homme de peu de foi » ou « gens de peu de foi ». Et quand on lit cela, puis qu'on regarde un petit peu le contexte, à première vue, dire « ouais, ben eux autres, ils n'étaient pas fort, ils n'étaient pas vite, mais nous, c'est un peu différent ». Mais savez-vous, je ne suis pas sûr, parce que quand je regarde le contexte, l'histoire, ben des fois, je me dis « je ne suis pas sûr que j'aurais fait mieux qu'eux ». Je vous donne un exemple. Jésus parlait de l'inquiétude, comment on a tendance à s'inquiéter. Et il dit, si Dieu revêt l'herbe des champs, s'il nourrit les oiseaux, ne vous vêtira-t-il pas aussi, gens de peu de foi? Quand on s'inquiète, on manifeste qu'on a peu de foi, parce que Dieu a promis, sa parole nous dit qu'il va pourvoir à nos besoins. Mais quand on s'inquiète, on ne croit pas, puis ce qu'on fait, c'est que la parole, on peut pas, on va pas chercher l'effet, la promesse, la paix qu'elle devrait nous donner, simplement par manque de foi. Est-ce que Jésus nous dirait à nous aussi, gens de peu de foi? À un moment donné, Jésus est sur l'eau. Grosse tempête, il dort, lui, Jésus, dans le bateau. Ses disciples paniquent, vont réveiller Jésus. « Jésus, Jésus, nous périssons. Regarde la tempête, l'eau. » Et là, Jésus calme la tempête, vous vous rappelez, puis il dit, « Homme de peu de foi, auriez-vous fait mieux? Est-ce que moi, j'aurais fait mieux? Dans l'eau, dans la tempête, je ne suis tellement pas un bon nageur. J'aurais paniqué probablement comme eux. » Peu de foi. Pierre, dans Matthieu chapitre 14, voit Jésus qui marche sur l'eau, qui vient vers eux. Ils sont encore dans le bateau, Jésus marche. Et là, quand ils reconnaissent, puis ils voient que c'est Jésus, Pierre dit, « Permets que j'aille, puis que je marche. » Alors, Pierre marche sur l'eau, il va vers Jésus. Mais là, tout à coup, il commence à regarder autour, puis voyant qu'il y avait du vent, des vagues, tout ça, il commence à couler. Jésus lui prend la main, et il lui dit, « Homme de peu de foi, est-ce que j'aurais fait mieux que Pierre? » Ah, nous autres, on lit ça du pauvre Pierre. Il n'est pas vite-vite. Hein? Ben, je pense que Benoît n'est pas vite-vite non plus, ben des fois. Homme de peu de foi. Est-ce que j'aurais eu... Moi, j'aurais marché sur l'eau vers Jésus. J'aurais couru? Pas sûr. Pendant que la transfiguration, les disciples sont en bas de la montagne et quelqu'un amène un jeune homme qui était possédé d'un démon. Puis les disciples ne sont pas capables de le chasser. Et quand Jésus leur parle, un peu plus tard, il dit, « Homme de peu de foi. » Ça m'est arrivé quelquefois que des gens m'appellent parce qu'il y avait des phénomènes dans la maison, puis ça bougeait, puis etc. Ouh! Ce n'est pas des situations que j'aime beaucoup. Et est-ce que j'aurais la foi de confronter un démon avec assurance et chasser les démons? J'ai l'impression que peut-être Jésus dirait aussi « homme de peu de foi ». Donc, quand on lit un texte comme celui-là, ce qu'il nous enseigne vraiment, c'est que Dieu veut nous parler par sa parole, veut nous donner des promesses par sa parole, veut nous rassurer, veut nous donner la sagesse qu'on a besoin. Et bien des fois, parce qu'on manque de foi, on ne reçoit pas cette parole, puis ça nous met dans toutes sortes de situations difficiles et compliquées. Alors, ne pas être des gens de foi ou être des gens lents à croire la parole, ça va entraîner différents problèmes. On va regarder différents problèmes que ça l'entraîne. Premier problème, je l'ai parlé, mais j'insiste. Donc, d'être lent à croire, c'est un problème qui empêche la parole d'avoir un impact sur nous. Ces hommes-là, on leur avait lu la parole. Parce que Jésus leur dit, en fait, pourquoi vous êtes tristes? Pourquoi là, vous êtes tout à l'envers, désillusionnés, découragés, abattus? Pourquoi? Est-ce que l'Ancien Testament ne disait pas que le Christ devait mourir et qu'il devait ressusciter? Est-ce que ce n'était pas écrit? Et même s'ils avaient lu l'Ancien Testament, même si on leur avait enseigné à plusieurs reprises l'Ancien Testament, même si Jésus leur avait rappelé pendant qu'il était présent au milieu d'eux, arrive la situation, ils ne sont pas capables de bien comprendre ce qui arrive et sont tout à l'envers. Il y a un texte dans Hébreux 4.2, écoutez bien ce que ça nous dit. Hébreux 4.2 nous dit, « La bonne nouvelle a été annoncée aux gens de l'Ancien Testament aussi bien qu'à nous. » Mais on dit ceci, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Attends un peu. La parole leur a été annoncée, mais ça ne leur servit à rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. J'ai entendu souvent le verset mal cité, cité hors contexte, qui dit « La parole ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet ». Et on a tendance à croire qu'à l'instant où la parole est dite, enseignée, prêchée, elle va donner un effet automatiquement. Mais le texte d'Ésaïe, de quoi il parle, c'est les prophéties, les décrets de Dieu. Ce que Dieu annonce, ce qui va arriver, il dit, quand tu annonces une prophétie, Seigneur, la parole ne revient pas sans l'avoir accomplie. Mais ça ne parle pas de la parole prêchée, enseignée, partagée, etc. Parce que l'Écriture nous dit le contraire, qui arrive que la parole est partagée, mais parce qu'elle ne trouve pas foi chez ceux qui l'entendent, ça ne donne rien. Donc, prenez une personne qui n'a jamais entendu la parole, qui n'a jamais entendu l'Évangile, n'a jamais entendu une promesse de Dieu d'un côté. Prenez l'autre qui a entendu, depuis peut-être qu'elle est tout petite, était à l'école du dimanche, elle entend la parole, elle apprend même des versets par cœur, mais elle n'a pas la foi. Quelle est la différence entre les deux? Il n'y en a pas. Dans les deux cas, la parole n'a aucun effet s'il n'y a pas de foi. C'est terrible quand on pense à ça. Ô homme dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Comme on le sait, la parole est centrale pour nous les croyants. Hein? On lit la parole, on se fait prêcher, enseigner la parole de Dieu, on met des versets sur nos murs. Quand on est ensemble, on se partage la parole de Dieu. Mais tout n'est pas là. C'est important que la foi soit présente, sans quoi la parole n'aura pas son effet. Et je vous souligne un petit mot qui est employé là. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, quoi? Tout ce qu'ont dit les prophètes. Le problème, c'est que quand tu n'as pas la foi, c'est pas juste que tu choisis, disant ça, j'y crois, puis ça, j'y crois pas, ou tu fais un tri, puis par la foi, tu en saisis. Puis, tout ce qu'ont dit les prophètes. Il semblait peut-être avoir saisi eux autres une partie, on pense, parce qu'il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Peut-être on peut penser au moins entrer dans sa gloire. Il croyait que le Messie allait venir puis qu'il allait établir le royaume, ça allait être glorieux. Il avait saisi cette partie-là. Mais en réalité, même ça, je ne suis pas sûr que c'était saisi vraiment. Mais il n'avait vraiment pas saisi l'idée que le Christ souffre. Et ça leur a créé des problèmes. Mais tout, ça veut dire que ce que les prophètes avaient annoncé comme parole de consolation, les promesses qu'on retrouvait dans les prophètes, puis en fait, prophètes ici, là, c'est tout l'Ancien Testament, parce qu'un peu plus loin, il parle de Moïse, les prophètes, les Écritures, tout l'Ancien Testament. Là. Il y a plein de vérités qui sont là. Puis quand tu as un cœur qui est là à croire, tu as tendance à « c'est tout », ou rien du tout. Hein? Lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Pensez à ça. Pourquoi on ne pardonne pas facilement? À un moment donné, Jésus enseignait sur le pardon dans Luc 17. Savez-vous qu'est-ce que les disciples ont dit? Après avoir entendu Jésus qui dit, si ton frère vient à toi et te demande pardon 70 fois, 7 fois, 490 fois par jour, tu lui pardonneras. Les disciples écoutent ça et disent, ouf! Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que pour pardonner, là, il faut croire que Dieu nous a pardonné beaucoup plus que ce que nous, on pardonne aux autres. Il nous faut croire que Dieu est juste, ça ne m'appartient pas, moi, de la vengeance. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je veux croire en pardonnant que Dieu continue à faire une œuvre dans la vie de l'autre, que je n'ai pas, moi, à lui créer d'obstacles ou de créer une distance avec lui. Il y a tout un élément de foi. Pourquoi on prie peu? La Bible nous dit tout ce qu'on demande avec foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On prie peu parce qu'on a de la misère à croire. Voyons, Dieu, vas-tu vraiment répondre à cette prière-là? Dieu, entends-tu vraiment? Même, y es-tu là? Hein? Donc, un des problèmes de manquer de foi, puis c'est le point central qu'on veut faire ressortir, c'est que ça empêche la parole d'avoir effet dans notre vie. Et le reste des points va continuer à tourner autour de ça quand même, mais je vais tout de suite au deuxième point. D'être lent à croire tout ce que dit la parole, c'est un problème sérieux qui est répréhensible, parce que Jésus les reprend. Hein, quand il dit « Ô homme. Quand vous voyez le petit mot ô, ô homme, probablement ça veut dire oh, ô homme. Une espèce de déception. Ô homme. Jésus les reprend pour leur manque de foi. Il aurait dit, ben, c'est comprenable, les gars, vous êtes pas vite, là, tu sais. Ou... Non. Ô homme, dont le cœur est lent. Il y a un reproche qui est là, il y a une déception. Et Jésus ne leur reproche pas de ne pas avoir cru les femmes, parce que dans, précédemment, là, les disciples, ils disent, il y a des femmes qui sont allées au tombeau ce matin, puis ils nous disent que le tombeau était vide, puis qu'il y a des anges qui leur auraient dit que Jésus est ressuscité, mais il n'y en a qui sont allés, puis bon, on n'est pas sûr, puis Jésus ne leur reproche pas de ne pas avoir cru les femmes. Mais ce qu'il leur reproche, c'est de ne pas croire l'Écriture. S'ils avaient cru l'Écriture, quand les femmes sont venues et ont annoncé justement que Jésus était ressuscité, ils auraient dit « Yes! » Donc, les autres choses viennent par la suite. Mais Jésus leur reproche d'être lent à croire, comprendre les Écritures. Manquer de foi dans ce que Dieu dit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise « Je ne te fais pas confiance. » Quelle insulte, hein? Sérieusement, là, c'est une atteinte à notre personnalité, là, de se faire dire « Je ne te fais pas confiance. » En d'autres mots, tu es un menteur, tu es un... Je sais pas. Qu'est-ce que ça fait quand on ne fait pas confiance à Dieu? Quand on ne croit pas ce qu'il dit? C'est pour ça que Jésus fait des reproches ici. La foi, dans l'Écriture, frères et sœurs, c'est une vertu centrale, importante. Parce que, sans la foi, la parole demeure stérile. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Dieu nous regarde, là, puis quand il voit la foi, ça lui plaît. On lui fait confiance. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable. Il y a même... un centenier dans la Bible qui a eu la foi, puis ça nous dit que Jésus l'a admiré. Luc 7, verset 9. Pensez à ça, là. Jésus regarde le gars, il l'admire. Habituellement, c'est l'inverse. On admire Jésus. Mais Jésus a admiré le centenier parce qu'il a vu qu'il avait une grande foi. Il n'a même pas besoin d'entrer sous mon toit. Dis juste une parole, puis mon serviteur va être guéri. Moi, j'ai des serviteurs, puis j'ai juste une parole à dire, puis mes serviteurs m'obéissent, puis je suis juste un centenier, un chef d'armée. Mais toi, Jésus, tu dis un mot, puis tout obéit. Et Jésus admira le centenier, sa foi. Sa foi dans la parole de Jésus. Parce que la foi est l'une des trois grandes vertus dans 1 Corinthiens 13. Hein? Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et ce que Paul est en train de faire, c'est donner des arguments pour montrer ce qui est le plus important. Et parmi les trois choses les plus importantes qui, je crois même dans le contexte, vont demeurer pour l'éternité, entre autres, il y a la foi. Parce que pour l'éternité, on va continuer à faire confiance à Dieu. Ce ne sera pas une foi comme présentement, on croit sans voir, on va le voir, mais on va continuer à lui faire confiance. Mais c'est une des trois grandes vertus. Et la foi est extrêmement importante parce que c'est un aspect important de la loi. Jésus reproche aux gens de son époque, il dit, « Vous donnez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, des petites épices. La loi ne vous obligeait même pas à faire ça. Ces petits détails-là, mais vous négligez ce qui est le plus important, la justice, la miséricorde et la foi. » Les Juifs auraient dû, en lisant l'Ancien Testament, dire en tête de liste, là, parmi les éléments les plus importants, il y a la foi. Frères et sœurs, grandir en connaissance de la parole, c'est super. Moi, j'encourage les gens à prendre du temps chaque jour, à connaître l'Écriture, à lire des livres, à aller chercher le maximum d'informations qu'on peut avoir. Absolument. Mais rappelons-nous, sans la foi, qu'est-ce que donne cette connaissance-là? au point où Jésus, quand il ne voit pas la foi, il fait des reproches aux hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Trois, c'est un problème qui atteint même les disciples. C'est des disciples ici qui marchent avec Jésus. On les appelle des disciples. Ils n'étaient pas des douze, il y en avait onze. Judas était mort à ce moment-là. Ils n'étaient pas du nombre des onze parce qu'à la fin, ils sont allés rejoindre les onze. Mais ils étaient associés de près à eux. Un disciple, dans la Bible, c'est un synonyme d'un croyant. Par définition, un croyant, ça croit. Un croyant. Et nous autres, facilement, on peut mettre deux grandes catégories. Il y a des croyants, puis il y a des non-croyants. Un croyant, ça croit, puis un non-croyant, ça ne croit pas. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a des disciples ici qui ne croient pas tout ce qu'on dit les prophètes. On n'a rien de parfait encore en nous. Notre espérance, notre amour, notre engagement, notre vie de prière, il n'y a rien qui est parfait. On est quelque part entre Jésus a commencé quelque chose en nous, puis la perfection qui va venir un jour. Et c'est la même chose au niveau de notre foi. Et donc, ce manque de foi-là atteint même les disciples. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte, nous les chrétiens. Je vous lis quelques exhortations. Veillez, frères et sœurs, demeurez fermes dans la foi. Demeurez fermes dans la foi. Parce que le diable, ce qu'il veut attaquer, particulièrement, il le sait, c'est votre foi. Vous amenez à dire, « Ah, ce que Dieu promet, ça n'arrive pas. » Pour X raisons, des faux arguments. Il est le menteur, le père du mensonge. Et c'est là qu'il va vous attaquer. La parole et la foi. Et d'ailleurs, regardez les armes que Paul suggère dans Éphésiens chapitre 6. Le bouclier de la foi, l'épée qui est la parole, ça tourne autour de ça. Mais demeurez ferme dans la foi. À l'instant où vous sentez que ça faiblit, vous vous sentez fragilisé, c'est l'accent qu'on doit mettre, dire « Seigneur, viens fortifier ma foi ». Faire la prière que les disciples ont faite, « Augmente-nous la foi, Seigneur ». Ou comme ce père qui est allé vers Jésus, j'ai dit « Crois-tu ? » Il dit « Oui, je crois. » Mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. En dedans de lui, il sentait qu'il y avait de la foi, mais en même temps de l'incrédulité, il y avait un mélange des deux. Mais il est à la bonne place. « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens me donner une assurance plus grande, une conviction plus grande, une fermeté de croire que ce que tu dis, là, tu ne mens pas. Je peux te faire confiance. Ah, j'ai besoin, Seigneur, de grandir dans cette vertu-là. Parce qu'elle va être mise à rude épreuve. » Dans 2 Corinthiens 10, 15, Paul a l'espérance que les Corinthiens, leur foi, augmente. Dans 2 Thessaloniciens 1, 3, il dit, « Nous devons, frères, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que votre foi fait de grands progrès. » Alors, c'est à ça que Dieu nous appelle. Le croyant, on a la foi, c'est clair, mais de grandir au niveau de la foi. 4, la foi, il dit, « Ô homme, sans intelligence, dont le cœur, vous avez remarqué? Dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Soulignez le mot cœur. C'est un problème de cœur, manquer de foi ou d'avoir des doutes. OK? D'être lent à croire, c'est un problème de cœur. C'est une affaire intérieure. Un synonyme de croire, c'est d'avoir une assurance, avoir une conviction ferme, une certitude. C'est une disposition en dedans de nous qui fait que quand Dieu dit quelque chose, là, j'ai cette assurance qu'il va l'accomplir. C'est au niveau du cœur, c'est au niveau de mon intelligence, mes émotions, ma volonté, ma disposition. C'est d'abord à l'intérieur de nous. Parce que vous savez quoi? Si vous regardez juste à l'extérieur, à peu près tout va contre la foi. Pierre marche sur l'eau. Il s'en va vers le Seigneur, là. Il a reconnu le Seigneur, il est tout content. Tant qu'il regarde au Seigneur, ça va bien. Puis tout à coup, il commence à regarder autour. Il y avait une conviction là-dedans de lui. Il commence à regarder autour, puis tout à coup, oups, ça s'atténue, sa conviction, sa foi, et il commence à couler. Il a regardé autour. Je vous le dis, à peu près tout ce qu'on peut voir autour va aller à l'encontre de la foi. Ce n'est pas le premier verset dans la Bible qui associe le mot « foi » au mot « cœur ». Pensez à ça, que la foi est au niveau du cœur. Dans Romains 10, je crois que c'est verset 9, je n'ai pas noté la référence. « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a comme les deux dimensions. Il y a une partie, ça commence par l'intérieur, et ensuite ça se manifeste au niveau de la bouche. Je le confesse. Mais c'est en croyant du cœur. Et vous connaissez le verset Proverbe 3, 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Au niveau du cœur. Il y a un texte qui va apparaître. Je prends la peine de lire. Regardez Abraham, OK? Notre modèle de foi, et c'est comme ça que Paul le présente dans Romains 4, il dit ceci, Paul, d'Abraham. « Abraham est notre père devant celui auquel il a cru. » Il a cru donc à ce Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui a été dit. « Telle sera ta postérité. » Et écoutez bien, « sans faiblir dans la foi. » Il ne considéra pas que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham avait 90 ans à peu près il a eu un fils à 100 ans, mais Dieu lui avait promis qu'il allait avoir un fils. Mais au moment où les années avancent, tout ça, tout à coup, Abraham, il commence à regarder, puis son corps est usé, il est âgé, il n'est plus en état d'avoir des enfants. Sa femme avait été stérile, et en vieillissant, les choses ne s'améliorent pas. Lui, il regarde tout ça extérieurement, là, il n'y a aucune possibilité. Ce n'est pas possible qu'Abraham et Sarah puissent avoir un enfant. Mais ça nous dit qu'il n'a pas considéré, il n'a pas regardé vers l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il avait dans son cœur? Il avait la conviction que ce que Dieu promet, il va l'accomplir, il peut l'accomplir. C'est ce Dieu-là qui crée des choses qui n'existent pas, qui appelle les choses en existence. Là, il fait référence à la création. Il dit... Puis la chose n'existe pas, puis tout à coup, se met à exister. Il peut même ressusciter des morts. Il a été fortifié par la foi et a ainsi donné gloire à Dieu. C'est d'abord une question de cœur et de parole. Vous savez, des fois, on a une promesse, on a une parole. Dieu nous dit, je vais faire telle chose. Et inquiète-toi pas, voici ce que je vais faire. Êtes-vous comme moi que tu dis, oui, je comprends, Seigneur, que tu le dis, mais je veux y croire, puis je voudrais donc, mais quand je regarde, je suis encore rempli de crainte, je m'inquiète, ça me décourage, ça me déprime. Le combat de la foi. Qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? Moi, je vous encourage à aller au Seigneur, puis dire, Seigneur, je regarde extérieurement, là, puis il me semble qu'il n'y a rien qui me fait poindre à l'horizon que tout va à l'encontre de ta promesse, ce que moi je regarde de mes yeux. Mais Seigneur, je veux croire que tu es le Dieu fidèle, que tu ne mens pas. Viens me fortifier, Seigneur, dans mon cœur, c'est à l'intérieur. Dieu n'attend que cela, qu'on vienne à lui. C'est bien plus facile d'avoir une vie chrétienne extérieure. Tu regardes, moi, là, je suis chrétien, je lis ma Bible, je donne mon offrande, je vais à l'église, etc. C'est ces moments-là là, où il y a une lutte en dedans de nous, puis dire, Seigneur, garde ce que tu promets, puis j'ai vraiment à ce point-ci de la misère, c'est une lutte pour moi. Puis de crier à Dieu, de combattre par la prière, de s'attendre à Dieu, d'y demander un miracle, de venir transformer notre cœur, de venir agir là, c'est intérieur, puis on sait que nous, on ne peut pas transformer notre intérieur. Cinq, c'est un problème qui demande l'intervention de Jésus, le manque de foi. Donc, qu'est-ce que Jésus fait ici? Voilà des disciples qui, Jésus est ressuscité, ils ont eu quelques bribes de cela, mais ils n'arrivent pas à le croire. Puis ils sont découragés, déprimés, puis bon, voilà. Qu'est-ce que Jésus fait? C'est-à-dire, ah, moi je suis assez tanné du gang d'incrédules là. Je passe à un autre gang, je passe à un autre appel. Hein? Ce que je trouve intéressant, un, ça va apparaître, Jésus prend l'initiative. Ils s'en vont sur le chemin d'Emmaüs, probablement le menton traîne à terre, ils sont découragés, déprimés. Jésus va vers eux. C'est Jésus qui va vers eux. Puis là, il commence à parler, « Hey les gars, ça n'a pas l'air à filer. » Puis là, ils disent, « Voyons, même un peu arrogant, hein? T'es-tu le seul à ne pas savoir qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? » Jésus dit, hein, « Quoi ça? Qu'est-ce qui arrive? » Et là, il parle avec eux, mais c'est Jésus qui prend l'initiative. Moi, ça m'encourage. Moi, le Dieu là, que je crois, c'est le Dieu qui prend l'initiative. Si je suis sauvé, c'est parce qu'il a pris l'initiative. Je ne pouvais pas de moi-même le chercher. Et toute croissance, écoutez-moi bien, dans la vie d'un chrétien, c'est parce que Dieu a pris l'initiative. Continue à prendre l'initiative. Initie la croissance. Tout appel, toute transformation, c'est Dieu, c'est lui qui commence, c'est lui l'auteur du salut, c'est lui qui le mène à la perfection aussi. Parce que sans la foi, Dieu va l'initier dans notre vie aussi. Vous connaissez Éphésiens 2:8? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. De quoi qui ne vient pas de nous? Bien, la grâce puis la foi, l'ensemble, là, pour ce qu'il nous faut pour être sauvés, ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, il nous dit dans le texte. Et la foi, là, on ne peut tellement pas la créer, il faut tellement que Dieu l'initie, que même les gens qui ont un don de foi, qui connaît Georges Muller ou a déjà lu sur Georges Muller, hein? Il maintenait des orphelinats sans revenus fixes. Je pense que c'est 5 orphelinats à un moment donné en Angleterre. Et simplement par la foi, puis on lit, puis ça nous impressionne, les gens qui ont un don de foi. Mais avez-vous bien compris ce que j'ai dit? Un don de foi, c'est tellement pas en l'homme que ceux qui l'ont, Dieu leur a donné. Puis ceux qui l'ont beaucoup, c'est parce que Dieu leur en a donné beaucoup. Mais moi, ça m'encourage, ça. Parce que Dieu n'est pas avare, il ne veut pas nous laisser dans notre misère, il prend l'initiative. Jésus est venu vers eux. Deuxième chose qu'il fait, il identifie le problème. Moi, ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il appelle un chat, puis un chien, un chien. Puis il va vers eux, puis il dit, les gars, moi, vous le dire, c'est quoi votre problème? Vous dites ça des fois, sais-tu c'est quoi ton problème, toi? Bien, Jésus, il leur dit, c'est quoi votre problème? Vous avez un problème, vous manquez de foi. Une crise de foi, sérieusement. Hein? Jésus identifie le problème, puis il va à la source. Il aurait pu dire, ah, les gars, vous n'avez pas lu assez la Bible, vous autres, là. « Ah, les gars, vous n'avez pas été assez à l'église. » ou La foi, c'est tellement central, ça part de là. Parole et foi. Vous êtes lent à croire l'Écriture, c'est basique, c'est fondamental de revenir là. Je pense que Jésus nous dirait la même chose à nous dans bien des moments de notre vie là, où on est triste, abattu, tout ça, Jésus dirait... Parole et foi. Qu'est-ce que tu ne crois pas dans la parole pour être dans cet état-là? Qu'est-ce que tu ne crois pas de moi? En quoi tu ne me fais pas confiance? Comment on peut remplacer le mensonge par la vérité? Troisièmement, Jésus amène l'Écriture, justement. Ah, c'est beau. Ô homme dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. « Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. Qu'est-ce qui fait grandir notre foi? La parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, Jésus prend le temps, puis ça a sûrement été long ici, commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures. Alors, j'imagine qu'il y a quelque chose, pas loin d'une heure, un sermon qu'il leur a fait, un enseignement. Ancien Testament 101, il leur dit, les gars, vous n'avez pas compris, on reprend ça. Et là, il leur explique la parole. Problème de foi? Parole. Parole de Dieu. Et en entendant la parole, la foi, le Seigneur se sert de la parole comme moyen de grâce pour produire en nous la foi. L'importance de l'Écriture. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Quatrièmement, il travaille au niveau du cœur. Tout en amenant l'Écriture, vous vous rappelez les disciples ce qu'ils disent au verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? » Ça veut dire que Jésus expose l'Écriture, mais en parallèle, il y a un travail au niveau de leur cœur, puis ça brûle en dedans. C'est un mot positif, là. Ça bouillonne. Ils commencent à trouver un peu d'espérance, d'espoir, de joie, de zèle. Il y a quelque chose qui se produit, là. Ça bouillonne dans le cœur en attendant l'Écriture. La clé, la présence de Jésus, l'Écriture, puis le travail de Jésus au niveau du cœur. Parce qu'on l'a dit, hein, c'est le cœur est lent à croire, mais Jésus travaille au niveau du cœur pour amener à produire là la foi. Et finalement, il demande aussi la participation, parce que je vais au verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous. » Jésus a initié, Jésus a expliqué la parole, Jésus travaille au niveau du cœur. Mais tout à coup, c'est les disciples eux-mêmes qui disent, « Non, va-t'en pas. » Hein, c'est drôle, hein? On a besoin de toi. Continue à nous expliquer des choses. Continue notre cœur. Non! J'ai comme l'impression qu'il y a un moment où Jésus dit, « Je suis mieux d'intervenir parce que ça ne viendra jamais d'eux. » Mais quand Jésus commence quelque chose, à un moment donné, il y a de quoi qui vient du cœur de l'homme qui dit, « Jésus, reste avec moi. Continue ce que tu fais. Continue ce que tu fais là dans mon cœur. J'ai tellement besoin, Jésus. » Et Jésus est resté, a mangé avec eux. Puis même, leurs yeux se sont ouverts par la suite. Donc, Jésus demande notre participation, demande notre désir aussi. Alors, je résume en disant simplement ceci. La foi est centrale. Et généralement, nos problèmes, ça commence où? Problème de foi, qu'on n'arrive pas, à cause de notre manque de foi, qu'on n'arrive pas à aller chercher dans l'Écriture, saisir, s'approprier les vérités de l'Écriture, les promesses de l'Écriture, ces vérités centrales qu'on a besoin tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? On crie au Seigneur. Qui ne nous rejette pas, mais qui veut travailler cet aspect-là, qui le désire. Et il va le faire, il l'a promis. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de son retour. Allons au Seigneur dans tout ce qu'on vit pour lui demander de produire cela dans notre cœur. La foi pour que la parole ait pleinement son effet. On va aller dans la prière. J'invite quelques-uns à prier pendant que les musiciens s'avancent pour la suite dans l'adoration. Alors, prions.